It's a crazy concept. Déjà l'idée était pipée. Les pétroleuses puis le lobby, c'est bien un ouragan crémoin. Ça vous hypothèque un bayou des tubos à Rivière-du-Loup. Une fois qu'ils ont découpillé, s'en avaient même l'air indigné. Dans le bayou du Saint-Laurent.